Voici. Jeune, au niveau de son sang, à mon avis, il est chargé. Hein. Sur le papier, il est jeune. Guillaume Audier. Ouais, ça va les amigos ? Oui ! Alors on parlait d'eau la semaine passée, on va parler de feu cette semaine. Et oui, je suis comme ça, moi. Un jour je suis ici, un jour je suis là-bas. On m'appelait l'insaisissable. Dans mon cours de French cancan. Et le prof disait aux autres, vous voyez le virtuose là-bas, dans sa combinaison en pelure, eh bien, c'est Ernesto, c'est l'insaisissable. Il y avait un respect à l'époque, contrairement à ici. On va pas revenir sur cette histoire de violence, hein, Nagui. Tout a été filmé la semaine passée. Non, les prud'hommes, ils m'ont dit, en tout cas, nous, on a tout ce qu'il nous faut. Hein. Vraiment, il a vérifié vos mails, hein. Je pense que mon petit doigt me dit que c'est bientôt fini, les positions subalternes, tout ça, tu vois, c'est bientôt fini. Mais ça va pas. Alors, mais c'est pas le propos. Ah bon, parce qu'il y a un propos. Absolument. Alors, je suis en pleine tournée en ce moment. C'est très solitaire comme exercice. Vraiment, j'en chie les sucriers. Vraiment, mais au moins je visite un peu votre beau pays. C'est une expression belge. J'en chie les sucriers. C'est joli. C'est joli. J'en chie les sucriers. Retenez ça pour le prochain. On a mal pour toi d'ailleurs. Ouais, j'en quel côté. Je vois bien Karine Viard. J'en chie les sucriers. Ce serait bien. Sucre en poudre. Hein. Je dis donc que c'est dur la tournée, mais au moins je visite un peu votre beau pays de voleurs de trophées. Et. La Coupe du Monde, on l'a mérité, monsieur. Absolument. Alors, et samedi, figurez-vous, je suis à Toulouse. Et sur qui je tombe à Toulouse ? Jean-Pascal de la Starac. Oh ! Dans le club à striptease des Chevaliers du Fiel. C'est formidable, non, c'est pas vrai. Bien essayé. Mais je ne demande pas du tout, je tombe sur une manif des Gilets jaunes. Et vous connaissez ma position sur les Gilets jaunes. Moi, je considère que. Voilà, après. Ceci dit, par parenthèse. Parenthèse. En me baladant parmi les Gilets jaunes toulousains, je me faisais la réflexion sur le côté extrême gauche, extrême droite. Et je me disais, eh bien. Si c'est ça l'extrême droite à Toulouse, il y a quand même une bonne gueule de régisseur de cirque. Hein. Vraiment, il y a certains mecs, tu disais, lui, s'il attaque la police, c'est avec son diabolo. Vraiment, franchement, le truc le plus violent qu'il puisse faire à un flic, c'est lui faire sentir ses cheveux. Vraiment, je pense. Hein. Dans mes souvenirs, moi, les fachos, ils ressemblaient pas à ça, tu vois. Dans mes souvenirs, les fachos, ils ont jamais crié justice sociale pour mes poux. Mais c'est pas le propos. Ah bon, parce qu'il y a un propos ? Absolument. Je le dis depuis le début qu'il y a un propos. Putain, le salé est là quand vous serez à la tête de l'émission, au moins vous écouterez les gens. Eh bien, le propos, figurez-vous, c'est qu'à un moment, il y a un camion de pompiers qui a fendu la foule. Des Gilets jaunes. Et hors coïncidence, le matin même, je lisais un dossier sur les pompiers dans Libération qui titrait « Le SOS des pompiers ». Eh bien, d'habitude, autant je peux être fasciné par les titres de Libération, autant là, je me suis dit « Le SOS des pompiers, oui, ça met moins 9 piques en vin blanc dans la gueule, ça, je le fais. Franchement, c'est quoi, 42 fièvres, hein, une rage dedans, je le trouve. Vraiment, là, tu sens qu'à 23h, vendredi, au bout du rouleau, il y a Geoffrin qui a fait « Vous êtes sûr, les gars, le SOS des pompiers, on n'a pas mieux ?» Quelqu'un lui a fait « Patron, moi, c'est le pompon pour les pompiers. Non. » Ok, ton chèque est prêt à la compta. Ceci dit, le dossier était édifiant. En plus d'intervenir une fois sur 5 pour rien, les pompiers, ils se font régulièrement menacer, agresser, etc. C'est horrible. J'ai entendu qu'il y a une augmentation de 213% des agressions sur les pompiers dans tous les milieux sociaux confondus. C'est hallucinant. Alors ma position, c'est moi, je pense qu'il faut arrêter d'embêter les pompiers. Et je sais ce que vous allez me dire, oui, le Nobel est à ta porte. plus personne n'a révolutionné la pensée occidentale aussi fort depuis Magic System. Je sais, on se moque, mais si on remet les choses à plat, c'est quoi le problème des gens avec les pompiers, quoi ? Je parle pas des 12 pompiers qui posent à poil dans leur calendrier. Eux, je comprends que les gens soient fâchés. Vraiment, même moi, j'ai cassé mars et octobre à hauteur du sgeg, vraiment. Ça leur apprendra à humilier les gens. Putain, ça a enfumé deux nids d'abeilles dans sa vie, ça fait le malin avec ses abdominaux, c'est une blague, quoi. Mais les autres ! Ceux qui mettent leur santé au péril de la communauté, sans le côté autorité de l'État, flashball, couteau dans la gorge, en fait tout ce qui est monopole de l'usage légitime de la force physique, je fais pas de leçon, on a tous lu Max Weber, enfin presque tous, no offense Daniel, mais sérieux, les pompiers, moi ça me donne envie de crever dans une toilette sèche vraiment, et alors la bonne nouvelle, ceci dit les amis, c'est que quand il a fendu la foule des Gilets jaunes à Toulouse, eh bien le camion il s'est fait applaudir, et ça m'a fait chaud au cœur. Allez, bonne émission les amis. Classe, merci. Pierre Beaucoup. La bande originale. Donc,